Chapitre 3e. On pourrait croire que l'infortuné gémissait sur sa destinée et qu'il regrettait avec amertume la niche, la pâtée et le collier du financier magnifique. Non. Et même, ce Galta servait souvent d'abri aux amis de son locataire, moins favorisé que lui. Denis, après avoir fouillé toutes ses poches et s'être convaincu par des expériences réitérées qu'elles étaient parfaitement vides, se demandait comment il déjeunerait, et faute de déjeuner, comment il dînerait. Après avoir bien réfléchi, il se dit qu'il n'irait point troubler des amis plus riches qui ne l'avaient pas invité. Il songea que, pendant qu'il était là, tout seul, les plus pauvres mettaient leur habit du dimanche pour aller chercher une heure de joie et d'oubli. Il donna un souvenir à ses parents qu'il aimait, qui le suppliaient de revenir à eux et de renoncer à sa vie oisive, car celui qui blanchit au travail de la pensée est un homme oisif et inutile. Il pensa que, dans son enfance, il se réjouissait ce jour-là, et aussi que le mois dernier, la vieille servante avait fait plus de 100 lieues à pied pour l'embrasser et lui apporter 2 beaux louis d'or que sa mère lui envoyait en cachette du père Diderot, inflexible pour l'enfant prodigue. Ne se sentant pas en veine de travailler, et le cœur en proie au malaise de l'isolement, il sortit pour essayer de se distraire et marcha à l'aventure. Il va aux Invalides, aux cours, à la bibliothèque du roi, au jardin des plantes. On peut calmer l'ennui, mais on ne peut tromper la faim. Il revient à la maison. En entrant, il s'assied et se trouve mal. L'hôtesse lui donne un peu de pain grillé dans du vin. Il fut se coucher. « Ce jour-là, dit-il, je jurais, si jamais je possédais quelque chose, de ne refuser de ma vie un indigent, de ne point condamner mon semblable à une journée aussi pénible. » Jamais serment ne fut plus souvent et plus religieusement observé.